إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 11 dans l'explication de Al-Ha'iyya, la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud Al-Sajistani rahimahullah, avec le sharh du Sheikh Salih Al-Fawzan. Et on est arrivé maintenant à la partie où le Sheikh explique Fadlu baqi al-ashra al-mubashirina bil-jannah, c'est-à-dire les mérites des restes des 6 autres parmi les mubashirin bil-jannah, parmi les 10 qui sont promis au paradis. On a expliqué dans le dernier cours les mérites qui concernent les Khulafa ar-Rashidun, les 4 Khulafa ar-Rashidin. Et là maintenant on va expliquer qui sont les 6 autres parmi les 10 à qui on a promis le paradis. Donc on va expliquer donc maintenant le vers numéro 17 et 18 dans la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud. Donc il dit rahimahullah dans le vers 17 wa innahum larruhtu la rayba fihim ala nujub al-firdaws bin-nur tasrahu. Et dans le verset 18 sa'idun wa sa'dun wa ibn auf wa talhatun wa amir fihr wa zubayr al-mumaddah. Donc dans le verset 17 la signification c'est que et ce groupe-là, c'est-à-dire les quatre premiers, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum, c'est des gens sur lesquels il n'y a aucun doute qu'ils seront dans les plus hauts niveaux du paradis. Et Sa'idun, c'est, on va expliquer qui ils sont chacun d'entre eux. Sa'id, Sa'ad ibn Auf, c'est Abdurrahman ibn Auf, donc on va les mentionner un par un. Talha, Amir Fihr wa Zubayr. Donc ça c'est les 6 autres. Le Cheikh Al-Fawzan il dit qawluhu wa innahum larruht la rayba fihim arruht hum al-jama'a dun al-ashra wa yaqsud bihim huna al-ashra al-mubashirin bil-jannah. Donc il dit wa innahum larruht, arruht en arabe ça veut dire le groupe qui est moins que 10, un groupe de personnes moins que 10. Et ici, il parle des 10 qui ont été promis au paradis. Il dit ala nujub al-firdaws, ay ala nuqin min al-jannah. Donc, c'est-à-dire, ils seront dans une partie dans le paradis. Et al-firdaws, c'est le plus haut niveau dans le paradis. Bin nuri tasrahu, tasrahu bihim haythu sha'u. C'est-à-dire, ils vont aller où ils veulent dans le paradis. لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ذكر هنا بقية العشرة المشهود لهم بالجنة وهم الستة الباقون من العشرة أولهم سعيد وهو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نوفل ابن عم عمر ابن الخطاب زوج أخت عمر رضي الله عنه وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. Donc, le Cheikh dit que le premier, c'est Saïd ibn Zayd, ibn Amr, ibn Nufayl. c'est le fils de l'oncle du prophète, c'est le fils de l'oncle d'Omar ibn al-Khattab, donc c'est le cousin d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Wa zawj ukht Omar, donc c'est le mari de la sœur d'Omar, donc c'est le beau-frère d'Omar ibn al-Khattab également, radiyallahu anhum. Le deuxième, al-thani, wa huwa Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas al-Zuhri, radiyallahu anhu. Le deuxième, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas al-Zuhri, radiyallahu anhu. Le troisième, wa ibn Auf, wa huwa Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Wa huwa min athriya al-Sahaba. Wa min al-lazina yunfiquna fi sabilillahi azza wa jal al-infaqu al-kathir. Donc le troisième, c'est Ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, et c'est parmi les riches d'entre les sahaba, et il donnait de ses biens, fi sabilillah, et il donnait beaucoup. Al-Rabi', Talha, wa huwa Talha ibn Ubaidillah, radiyallahu anhu. Al-Khamis, wa Amir, wa huwa Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, أمير هذه الأمة وفهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آباء القريشيين. Donc le cheikh explique ici que le cinquième c'est Abu Ubaida ibn al-Jarrah, on l'appelle, et son nom c'est Amir ibn al-Jarrah, on l'appelle Abu Ubaida, c'est sa kunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le titre de Amin hadhihi al-umma, c'est-à-dire l'homme de confiance de cette umma. Amin hadhihi al-umma. Donc l'homme de confiance de cette umma. Et Fihr, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit wa amiru Fihrin. Fihr, c'est un de ses ancêtres, un de ses grands-pères. C'est en fait un des ancêtres en lequel il rejoint la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient un de leurs ancêtres en commun, c'était Fihr. Et c'est un des pères de Quraysh, un des ancêtres de Quraysh. As-sadis wa al-Zubayr al-Mumaddahu wa huwa al-Zubayr ibn al-Awam hawariyu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le sixième, c'est Az-Zubayr ibn al-Awam. Donc pour les répéter, c'est les dix qui sont promis au paradis, c'est Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Saïd ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, ça c'est le huitième, wa Amir, c'est-à-dire Amir ibn al-Jarrah, Abu Ubaida, et le dixième, Az-Zubayr ibn al-Awam. Donc le Cheikh al-Fawzan dit: Ha'oula al-Sitta ma' al-Khulafa' al-Arba'a saru 10 mubashirina bil-Jannah wa hum afdalu al-Sahaba wa kullu ha'oula al-10 min Quraysh. Donc le Cheikh dit ces 6 là, en plus des 4 Khulafa' al-Rashidun, ce sont les 10 qui ont été promis au paradis, et ce sont les meilleurs d'entre les sahaba, et tous les 10 font partie de Quraysh. Tous ces 10 font partie de Quraysh. Donc là on a terminé donc d'expliquer les versets 17 et 18. Maintenant on va expliquer les versets 19 et 20. Et c'est au sujet du fait d'être bon et de ne pas critiquer ou parler contre aucun d'entre les sahaba. Ihsanul qawl fi sahaba radiyallahu anhum wa hukm at-ta'n fihim. C'est-à-dire le verdict au sujet de celui qui les critique. Qu'est-ce qu'on dit de celui qui critique les sahaba ou qui parle contre les sahaba? Donc le vers 19 وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. Et le vers 20, فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. Donc ça signifie et dit la meilleure parole au sujet de tous les sahaba, et ne sois pas parmi ceux qui critiquent et qui attaquent et qui blâment et qui cherchent des défauts aux sahaba, parce que la révélation claire a parlé de leur mérite. Et dans Sourate Al-Fath, il y a un verset qui glorifie les sahaba. Donc l'imam Ibn Abi Daoud, il mentionne justement un des versets dans le Coran qui fait l'éloge des sahaba, c'est le dernier verset de Sourate Al-Fath, le verset 29. Le Cheikh il dit dans le Sharh, Cheikh Al-Fawzan, ذكر هنا بقية الصحابة بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة فقال وقل خير قول حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول بل كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم فضل الصحبة والمناصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه فقد رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واجتمعوا به وصلوا خلفه وسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Abi Daoud, après avoir mentionné les 10 qui ont été promis au paradis, il mentionne le reste des sahaba, et il dit la meilleure parole au sujet de tous les sahaba, c'est-à-dire pour pas que certains s'imaginent que parce qu'il a mentionné les meilleurs d'entre eux, ça implique de dénigrer ou de rabaisser l'importance des autres. Non, ils sont tous des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tous le mérite d'être des compagnons et d'avoir aidé et d'être venus à la défense du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit ensuite, ils ont pris directement leur religion du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant eux, et ils ont cru en lui, et ils se sont réunis avec lui, et ils ont prié derrière lui, et ils ont entendu sa parole alayhi salatu wassalam. Non, c'est pas comme nous ou ceux qui sont venus après, on peut pas être comparé, et du fait qu'ils ont pris leur religion directement du prophète sallallahu alayhi wasallam, ils ont un privilège que personne d'autre que eux ne peut égaler. Donc le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu rahimahullahu ta'ala fi as-sahabati kullihim fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi an tuthni alayhim wa tamdahuhum li'annahum yastahiqquna hadha al-madh wa as-sana. Donc il dit ça au sujet, dit du bien au sujet de tous les sahaba, et tu fais leur éloge et tu les glorifies et tu mentionnes leurs belles qualités parce qu'ils méritent cette glorification et ils méritent cet éloge. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح لا يجوز تنقص احد منهم او التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضه قبحهم الله فانهم اعداء الدين واعداء الامه واعداء المله كما تفعل الخوارج وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابه. Donc le cheikh il dit, et ne sois pas du nombre de ceux qui les critiquent, qui les attaquent et qui les blâment. Il n'est pas permis de rabaisser aucun d'entre les sahaba. Aucun d'entre les sahaba. Et si vous voyez quelqu'un qui rabaisse ou qui critique un seul d'entre les sahaba, c'est le signe que c'est une personne qui est sur l'égarement. Et le cheikh il dit, et donc il n'est pas permis de rabaisser aucun d'entre eux ou d'insulter aucun d'entre eux, et il n'est pas permis également de chercher leurs défauts comme le font les rafidah, que Allah les maudisse, parce qu'ils sont les ennemis de la religion, les ennemis de la umma, les ennemis de l'islam, et de même que les khawarij qui déclarent les sahaba kuffar. Donc, le Cheikh dit ensuite, فَقَدْ نَتَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ. C'est-à-dire, l'imam Ibn Abi Daoud, il dit, الْوَحْيُ الْمُبِينُ, la révélation, la claire révélation, a mentionné leur mérite, a parlé de leur mérite. Donc, si quelqu'un vient par la suite pour les critiquer, c'est comme s'il venait contredire la révélation. Il vient contredire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet dans le Coran. Donc le Cheikh il dit Al-Wahyu yashmalu al-Qur'an wa sunnah. Faqad nataqa al-Wahyu Qur'anan wa sunnatan bifadli sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Falladhi yat'anu fihim mukazzibun li kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وفي سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثناء متكررا أو ثناء متكرر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها يقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وقال في آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il commence à expliquer que la révélation elle comprend le Coran et la Sunna. Donc quand on dit que Al-Wahyu, la révélation a parlé des Sahaba, c'est-à-dire le Coran et la Sunna ont mentionné les mérites des Sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui les critique ou qui les attaque, alors c'est comme s'il traitait de mensonge le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5, dans Surat At-Tawbah, qu'on a mentionné dans les cours précédents, السابقون الأولون, ceux qui ont précédé les autres dans la foi, qui ont précédé les autres parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, et Allah a préparé pour eux des rivières sous lesquelles coulent des rivières ou des ruisseaux. Et il dit dans Surat Al-Fath, et c'est la surah que l'imam Ibn Abi Daoud a mentionné dans sa manzouma, il dit que dans Surat Al-Fath, il y a une glorification des Sahaba, et effectivement, comme le Cheikh le dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit du début à la fin, elle est remplie d'éloges pour les Sahaba. Depuis le début, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna fatahna laka fathan mubina. Ça c'est le verset 1. Donc, dans cette surah, il y a des éloges qui sont répétés dans différents versets, dans le verset 5, dans le verset 10, dans le verset 18 et dans le verset 29. Donc tout ça ce sont des versets dans lesquels il y a les éloges des Sahaba dans Surat Al-Fath. Et il mentionne donc le premier d'entre ces versets-là, le verset 5. Il dit pour que les croyants et les croyantes entrent dans des paradis ou dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement et pour que leur soient effacés leurs péchés. Et ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un succès énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui t'ont prêté allégeance ou qui t'ont donné leur serment c'est comme s'ils donnaient le serment à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui te donnent leur serment ou leur allégeance, c'est-à-dire l'allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils donnent l'allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Et dans le verset 18, il dit, certes, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance sous l'arbre, et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la tranquillité. Hein? Donc ça, c'est des versets qui font l'éloge des sahaba. Puis dans le dernier verset de cette surah, dans surah Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Muhammad est le messager d'Allah, Muhammadur Rasulullah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les kuffars et miséricordieux les uns envers les autres. Tu les vois dans le recours, ils s'inclinent, ils se prosternent, cherchant d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce et agrément. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dans leur visage, il y a la trace de, yani, il y a le signe de la prosternation. Et ça, c'est l'exemple qu'on donne d'eux et la description qu'on donne d'eux dans la Torah, hein, dans le livre qui a été révélé à Moïse. On a déjà donné leur description dans la Torah. ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هذه صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. Donc le cheikh il explique, il dit, et leur exemple dans l'Injil que Isa a ramené, hein, qui a été révélé à Isa alayhi salam, c'est comme une plante qui sort sa pousse, puis qui se raffermit, puis qui s'épaissit et qui se dresse sur sa tige. Il éblouit, et qui éblouit les cultivateurs et qui met la rage. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala met par eux la rage dans le cœur des kuffars, chez les kuffars. Et Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui font les bonnes œuvres un pardon et une grande ou une énorme récompense. Et donc ça, c'est leur description dans la Torah et leur description dans l'Injil. Et donc le cheikh il dit wa qala li yaghidha bihim al kuffar fadalla ala an alladhi yaghtazu min al sahaba aw yubghidhum annahu kafir bi nass hadhihi al ayat al karima. Donc le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset li yaghidha bihim al kuffar, c'est-à-dire pour mettre les kuffars en rage. Hein, par les sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala enrage les kuffars par les sahaba. Hein, parce que les kuffars détestent les mu'minoun et détestent ceux qui s'accrochent à la révélation. Hein, et donc, le cheikh, il dit que ça, c'est la preuve que quiconque déteste les sahaba et quiconque a de la rage ou de la colère ou de la haine contre les sahaba, alors il est kafir. Il est kafir. Et la preuve, c'est ce verset, le verset 29, dans surat al-Fath. Et en réalité même, que ça fait partie des exemples que les salafs ont mentionnés comme preuve pour déclarer les rafida kuffar. Hein? Et l'imam Malik, hein, rahimahullah, il a utilisé ce verset pour montrer que les rafida sont des kuffar parce qu'ils détestent les sahaba. Hein? Les shi'a, rafida, ils détestent les sahaba, et donc ça c'est la preuve dans ce verset qu'ils sont des kuffars. Donc là ça y est, on a terminé dans l'explication de ces deux vers, le vers 19 et 20. Et comme on avait expliqué au tout début de la manzouma, on avait expliqué que elle a 33 vers. Elle a 33 vers. Toutefois, il y a dans certaines versions qui ont été rapportées, on a ajouté 7 vers à cette manzouma. Et ces vers-là qui ont été rajoutés ne sont pas de l'imam Ibn Abi Daoud lui-même. C'est des ulamas qui sont venus après, qui les ont rajoutés pour rajouter yani des choses qui sont reliées à la aqida des salafs. Et donc, certains ulamas, quand ils ont fait le charh de cette manzouma, ils ont fait le charh en même temps de ces 7 vers qui ont été ajoutés. Et donc, Inch'Allah, on va le faire puisque le Cheikh Al-Fawzan, il les a expliqué yani dans ce livre. Et par rapport justement à cet ajout, dans l'introduction du livre, la personne qui est c'est un des élèves du Cheikh Al-Fawzan qui a fait le tahqiq et le tahrij des hadiths, il mentionne, il dit à propos de ces sept vers qui ont été rajoutés, wala shakka anna hadhihi al-abyat al-mazida laysat l'Ibn Abi Daoud rahimahullah iz jami' man rawaw al-qasida min talamizihi lam yadhkuru hadhihi al-ziyada. Donc le cheikh il dit que l'élève de Cheikh Al-Fawzan il dit il n'y a pas de doute que ces vers ont été rajoutés et qu'ils ne font pas partie de la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud, parce que tous les élèves de l'imam Ibn Abi Daoud qui ont rapporté cette qasida de l'imam Ibn Abi Daoud, ils n'ont pas mentionné cet ajout. Wa min baynihim Ibn Shahin rahimahullah kama taqaddam. Donc il explique ces choses-là. Il dit thumma wajadtu anna thalathata min hadhihi al-abyat qad zadaha Ibn al-Banna rahimahullah kama nabbaha ala dhalika as-Safarini fi sharhih li hadhihi al-manzuma. Donc il dit qu'il y a trois de ces vers-là qui ont été rajoutés par quelqu'un qui s'appelle Ibn al-Banna, un des shuyukh et des ulama qui ont fait le sharh de ce livre et de cette manzouma. Et puis ensuite il dit وليست من كلام الناظم الذي هو الإمام أبو الحافظ أبو بكر ابن أبي داود بل من كلام العلامة المحقق ابن البنا من أئمة علمائنا. Donc c'est pas, ça fait pas partie, ces vers là ne sont pas n'ont pas été rajoutés par l'imam Ibn Abi Daoud lui-même, mais par le muhakkik Ibn al-Banna, un des imams parmi nos ulama. Et il dit que ces vers-là, c'est celui qui parle de Aïcha, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, et des Ansar et des Muhajirin, et de ceux qui les ont suivis parmi les Tabi'in. Donc ça, c'est les trois versets. Et il reste quatre versets, hein, dont on ne sait pas qui en était l'auteur. On ne sait pas qui les ont écrits. Et Cheikh Abdul Razzaq ابن عبد المحسن العباد il dit وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات مزيدة على النظم لا يدرى من زادها ولكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود رحمه الله ولا تصح نسبتها إليه أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتها على ضعف تراكيبها وأوزانها حتى أن القارئ لها لا يدرك بمجرد قراءتها أنها ممحقة أو ممحقة مزيدة. Donc le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad dans son charh de Al-Ha'iyya, il a dit que il reste donc ces quatre vers dans Al-Ha'iyya dont on ne sait pas qui les a composés, mais une chose est certaine, c'est que elles ne sont pas de l'imam Ibn Abi Daoud. Et il n'est pas correct de lui attribuer. Et il dit ensuite, en ce qui concerne la signification de ces vers, il n'y a pas de doute que leur signification est bonne et que ce sont des significations importantes. Et on remarque même dans la formulation des vers et dans leur composition, lorsqu'on les récite, que yani, elles sont une ajout parce que elles sont pas vraiment aussi bien. Elles sont pas d'une aussi belle formulation puis d'une aussi belle qualité que le reste des vers de Al-Ha'iyya. Donc on va les lire, on va commencer par, donc c'est les vers qui sont rajoutés, c'est les vers de 21 à 27. Donc de 21 à 27 c'est une ajout. Et ça parle de quoi? Ça parle de certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également de ses enfants et d'autres parmi les sahaba et également des imams d'Ahl al-Sunnah, des muhajirins, des ansar et des imams d'Ahl al-Sunnah parmi les grands imams des salaf. Donc il dit dans le verset 21 وَسِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. Et le vers numéro 22, وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم منح. Donc c'est au sujet donc de Al-Hassan ou Al-Hussein et des enfants de Khadija et dont Fatima radiallahu anha et également les éloges ou les mérites de Aisha radiallahu anha, Umm al-Mu'minin et Muawiyah ibn Abi Sufyan, notre Khaluna, notre oncle, comme il est mentionné dans cette manzouma. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique. قول الناظم رحمه الله تعالى وصبت رسول الله يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. الصبت هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن. فالحسن والحسين هما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن ابنته فاطمة وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que dans les paroles de celui qui a formulé ces vers, il mentionne Sibtay Rasulillah. Sibtay Rasulillah, qu'est-ce que ça signifie? Les deux petits-fils du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire Al-Hassan ou Al-Hussein رضي الله عنهما. Et en arabe, pour désigner les petits-fils, il y a deux mots qu'on peut employer, as-sibt et al-hafid. Et as-sibt, c'est les enfants de la fille. Et al-hafid, c'est les enfants du fils. Hein? Donc, si tu as une fille, les enfants de ta fille, tu vas les appeler as-sibt, hein, ça va être as-sibt. Et si tu as un fils et que ton fils a un enfant, on l'appelle Al-Hafid. Donc Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux sibts du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc ce sont les deux fils de Fatima radiyallahu anha qu'elle a eu avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'i. Et il dit wa huma sayyida shabab ahli al-janna. Donc ce sont les deux princes ou les deux jeunes princes parmi les gens du paradis. Les chefs des jeunes parmi les gens du paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. وقوله وابني خديجة أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية أما بقية أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديجة رضي الله عنها وله منها ابنان مات في حياته عليه الصلاة والسلام في مكة. Donc le شيخ il explique que donc il mentionne les enfants de Khadija. Pourquoi? Parce que la majorité ou tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été avec Khadija, sauf Ibrahim qui était le fils de Maria. Il l'a eu avec Maria al-Qibtiyya, mais les autres enfants qu'il a eu étaient tous de Khadija radiallahu anha. Et il a eu avec Khadija également deux fils qui sont morts durant sa vie à Mecca. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu deux fils avec Khadija qui sont décédés à Mecca. Wa qawluhu wa Fatima wa hiya Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhibbuha wa kana idha aqbalat قام إليها وقبلها وأجلسها إلى جنبه. Il dit Fatima, comme elle est mentionnée, يعني c'est la fille du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et lorsqu'elle venait le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour aller la rencontrer et il l'embrassait et il l'assoyait à côté de lui. وقوله وعائشة أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Et il dit ensuite, et Aïcha, la mère des croyants. Et c'était la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Hein? Et l'homme que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, c'était son père, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Ensuite, il mentionne, wa khaluna Muawiya. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي وكان يكتب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخ أم المؤمنين وهذا من فضائله رضي الله عنه. Et également, donc, le cheikh, il mentionne ensuite Muawiya ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, qui était un noble compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katib al-Wahi, c'est-à-dire celui qui écrivait la révélation, un des scribes du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivait le Coran pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est appelé Khalul Mu'minin, l'oncle des croyants. Pourquoi? Parce que sa sœur, Umm Habiba, était l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umm Habiba, c'était la sœur de Muawiya, hein, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, il dit, et donc, dans ce sens, il était l'oncle des croyants, puisque sa sœur était la mère des croyants. Donc, puisque sa sœur était la mère des croyants, yani, on l'appelle l'oncle des croyants, et ça fait partie de ses mérites. Hein? Surtout parce que certains d'entre les gens d'égarement, parmi les gens de Bid'a, essaient toujours de critiquer et d'insulter Muawiya radiallahu anhu, hein? Parmi les Rafida. Et donc, lorsqu'on mentionne le fait qu'il est l'oncle des croyants, yani, dans ce cas-là, ça fait savoir qu'il a un mérite et qu'il a beaucoup d'autres mérites également. وفضل المهاجرين والأنصار. Donc ça c'est le vers maintenant 23 qui fait aussi partie des vers ajoutés. فضل المهاجرين والأنصار. Donc il dit وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. C'est-à-dire, et ces Ansars, ceux qui lui sont venus en aide, c'est-à-dire les Ansars et les Muhajiroun, ceux qui ont émigré et qui ont quitté leur demeure pour aller à Médine, hein, ils ont été sauvés de l'enfer, hein, en venant en aide au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh, il répète encore, le Cheikh Al-Fawzan, il répète ce qu'il a dit dans le cours précédent par rapport au mérite des muhajirines et des ansar. Il dit wal muhajirun wal ansar aydan lahum fadlun azim kama fi qawlihi jalla wa ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal muhajirun hum alladhina hajaru min makkah ila al-madina hajaru min awtanihim li nusrati al-islam والأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم في دار الهجرة وهذا مذكور في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc le Cheikh explique que les muhajirun et les ansar, ils ont également un grand mérite, hein? Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans le Coran, comme dans sourate Tawba, le verset 100, il dit les premiers qui ont cru parmi les muhajirun et les ansar. Les muhajirun, ce sont ceux qui ont émigré, qui ont quitté la Mecque vers Médine, ils ont abandonné leur terre et tout ce qu'ils avaient pour venir au secours de l'islam et pour aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Ansar sont ceux qui ont défendu la cause du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accueilli leurs frères dans la demeure de la Hijra, c'est-à-dire à Médine. Ils ont accueilli les Muhajirun. Et tout ça c'est mentionné dans Surat al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des Muhajirin en disant: les pauvres parmi les Muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure et à qui on a enlevé leurs biens, ils recherchent d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce et agrément et ils viennent au secours de la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les véridiques. Hein? Et ensuite, il mentionne les Ansar en disant, dans le verset 9, dans Surat al-Hashr, à propos des Ansar, et ceux qui se sont installés dans le pays, hein, et dans la foi, qui ont accepté la foi, qui se sont installés dans le pays avant les Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ils étaient les habitants de Médine avant que les Muhajirin viennent. Ils aiment ceux qui font la Hijra vers eux, c'est-à-dire ils aiment les Muhajirun. Et ils n'ont rien dans leur cœur contre eux. Et ils les préfèrent à eux-mêmes alors qu'ils ont eux-mêmes une pénurie ou qu'ils ont eux-mêmes de la faim. D'accord? Donc ils donnent précédence à leurs frères, les Muhajirin, sur eux-mêmes. Et quiconque a été prémuni contre l'avarice qu'il a en lui-même, alors ceux-là sont ceux qui auront eu le succès. Et il dit ensuite, « وَقَوْلُهُ بِنُصْرَتِهِمْ عَنْ كَيَّةِ النَّارِ زُحْزِحُ يعني أنقذهم الله من النار بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que ils ont été sauvés de l'enfer par Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'ils ont accompagné le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Ensuite, le cheikh il va mentionner donc les quatre versets ou les quatre vers qui suivent parmi les vers ajoutés qui parlent du mérite des tabi'un et des imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc le verset 24, le vers 24, 25, 26 et 27. Hein? Donc il dit: wa min ba'dihim fattabi'una la husna ma'akhidhin wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu ومالك والثور ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. Donc ça c'est les quatre vers dans lesquels on mentionne l'éloge des tabi'un, hein? Et également par la suite on parle de l'imam Malik et de l'imam Sufyan al-Thawri et de l'imam Abu Amr al-Awza'i et de l'imam al-Shafi'i et Ahmad, hein, et on mentionne donc que ce sont des imams de guidance ainsi de suite et qu'il faut les aimer et que celui qui les aime il va se réjouir de ça au jour de la résurrection. Donc le Cheikh al-Fawzan il explique cette partie. Il dit, قول الناظم رحمه الله ومن بعدهم فالتابعون لا حسن ما أخذن ومن بعد الصحابة التابعون. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قوله اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه. Donc le cheikh explique, il dit que dans les vers ensuite on a la mention des tabi'un, hein, et ceux qui viennent après eux, hein, sont les tabi'un. Et il dit que ceux qui viennent après les sahaba on les appelle tabi'un parce qu'ils suivent, hein. Et il mentionne le verset 100 dans Surat al-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement ceux qui les suivent de la meilleure manière, c'est-à-dire ceux qui suivent les Muhajirin et les Ansar de la meilleure manière. Donc le Cheikh il dit والذين اتبعوهم بإحسان, ça comprend et ça inclut toute personne qui a suivi les Sahaba de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Donc toute personne qui a suivi les Sahaba de la meilleure manière, il est inclus dans les tabi'in, ou ceux, dans ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Toutefois, si on spécifie ou on mentionne le terme tabi'i, hein, si on mentionne le terme tabi'i ou tabi'in de manière absolue comme ça, sans mentionner par exemple les tabi'un bi-ihsan, donc on dit tabi'i, on parle des élèves des sahaba, ceux qui ont étudié directement avec les sahaba. Donc de façon spécifique, quand on parle des tabi'in, on parle des élèves des sahaba, ceux qui ont étudié avec les sahaba et qui ont pris leur religion directement des sahaba. Sinon, dans le sens général, toute personne qui suit les sahaba dans leur aqida, dans leur manhaj, dans leur compréhension de la religion, dans leur souluk, etc., donc ils font partie de ceux qui ont suivi les sahaba de la meilleure manière. Ensuite le cheikh il dit wa illa fasmu at-tabi' umuman yashmalu kull man اتبع وسار على نهج الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتكلمون فيهم بألسنتهم ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit donc que comme j'expliquais, le nom tabi' en général ça comprend toute personne qui a suivi la voie et la méthodologie des sahaba et le manhaj des sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les premiers ou bien les premiers, c'est-à-dire ceux qui viennent directement après les sahaba, ou les derniers, ceux qui viennent par la suite jusqu'au jugement dernier. Et il dit, et c'est pour cette raison-là que dans surat al-Hashr, on a mentionné dans les passages précédents les versets 8 et les versets 9 dans surat Al-Hashr, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des muhajirin et des ansar. Dans le verset 8, c'est l'éloge des muhajirin, et dans le verset 9, c'est l'éloge des ansar, et dans le verset 10, c'est ceux qui suivent et qui viennent après les sahaba. Donc le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a terminé de mentionner les muhajirin et les ansar, il dit par la suite, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, ô notre Seigneur, Rabbana, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans notre cœur aucune rancune contre ceux qui ont eu la foi. Rabbana, ô notre Seigneur, innaka ra'ufur rahim, tu es certes indulgent et miséricordieux. Donc le cheikh il dit que dans ce verset il y a la réfutation des rafidah, ceux qui recherchent à insulter et qui détestent les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, et qui parlent contre eux avec leur langue et qui les maudissent ou qui les déclarent kuffar, qui déclarent les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam comme étant kuffar. Donc le cheikh il dit que ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سلامة قلوبهم لقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا, وسلامة ألسنتهم لقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منهج التابعين وهذا منهج التابعين لهم بإحسان. الشيخ يقول que l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله il mentionne dans son livre العقيدة الواسطية que parmi les fondements de أهل السنة والجماعة il y a le fait que notre cœur doit être en paix et notre langue également par rapport aux compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit avoir aucune rancune contre les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que notre cœur doit être exempt de toute rancune et doit être en paix vis-à-vis des sahaba, c'est dans le verset 10 dans sourate Al-Hashr, lorsque Allah dit وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ. Ne mets pas de la rancune ou de la haine dans notre cœur. وَسَلَامَةُ أَلْسِنَتِهِمْ. Et le fait que leur langue doit également être en paix, c'est-à-dire doit être exempte de toute critique contre les sahaba, c'est la suite lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et ils disent, notre Seigneur pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc dans ce verset, il y a le fait d'être en paix dans notre cœur et de laisser également notre langue en paix par rapport aux compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le manhaj des tabi'un. C'est le manhaj de ceux qui ont suivi les sahaba de la meilleure façon. Amma man yujarrih wa yaltamisu al'uyub. En passant, l'imam Malik, rahimahullah, quand il a parlé de ce verset et quand il l'a expliqué, il a mentionné que ces versets-là, dans Surat al-Hashr, le verset 8, le verset 9 et le verset 10, sont au sujet de Al-Fay. Sont au sujet de Al-Fay, c'est-à-dire le butin qui est distribué aux croyants. Et il mentionne que ceux qui ont droit à ce butin-là sont les Muhajirin, et ensuite les Ansar, et ensuite ceux qui viennent par la suite, qui ont cru et qui disent « Ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. » Et ne met pas dans notre cœur aucune rancune pour ceux qui ont cru. L'imam Malik a dit, ça c'est la preuve que les Rafidah n'ont aucun droit au fay, n'ont aucun droit au butin et qu'ils n'entrent pas dans ces versets-là puisqu'ils ont la haine et la rancune dans leur cœur contre les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un autre verset que l'imam Malik, rahimahullah, a utilisé comme preuve pour déclarer les Rafidah kuffar. Ensuite, le Cheikh dit, وَأَمَّا مَنْ يُجَرِّحْ وَيَلْتَمِسُ الْعُيُوبُ وَيُشَكِّكُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ أَوْ يُكَفِّرُهُمْ أَوْ يَلْعَنُهُمْ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ الْإِسْلَامِ وَمُعَادٍ لِدِينِ الْإِسْلَامِ وَمُعَادٍ لِلرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا طَعَنَ فِي صَحَابَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَنَ فِي الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم. Donc le cheikh il dit ensuite, celui qui critique et qui ramène les défauts ou qui mentionne des défauts des sahaba ou qui recherche les défauts des sahaba, c'est comme s'il essaie de mettre des doutes dans le mérite des sahaba, et ceux qui les déclarent kuffar ou qui les insultent et qui les maudissent comme les rafida, alors tout ça, ça prouve qu'il est en contradiction avec la guidance de l'islam et qu'il a opposé la religion de l'islam et qu'il a opposé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il a attaqué ou critiqué ou insulté les sahaba, c'est comme s'il avait insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme s'il avait insulté le Coran qui vient faire leur éloge et qui vient les glorifier. Wa qawlu an-nazim wa Malik wa Thawri ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح يذكر المؤلف رحمه الله فضائل الأئمة ومنهم هؤلاء الأئمة ومالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة والثوري وهو سفيان الثوري والأوزاعي إمام أهل الشام ومن بعدهم فالشافعي وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأحمد وهو أحمد بن حنبل وقوله فأحببهم فإنك تفرح تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام فإن هذا علامة الإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit ensuite que il mentionne parmi les salaf, l'imam Malik et Al-Thawri et leur frère Abu Amr al-Awza'i, ذاك المسبح. Il dit donc que l'imam, il est en train de mentionner, hein, ou dans ses vers, on mentionne le mérite des imams de l'islam. Et parmi ceux-là, l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Dar al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la ville de Médine, al-Madina. Et Sufyan al-Thawri, c'est un des grands imams également parmi les imams des salafs. Et al-Awza'i, l'imam des habitants de Sham, de la Syrie. Et donc, ces imams-là sont des grands imams parmi les imams de l'islam à l'époque, à cette époque-là. Hein, et ils sont tous des contemporains, sont tous des grands imams. Hein, et c'est eux qui ont préservé l'islam après la période des tabi'in. وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالشَّافِعِي. Hein, et ensuite également l'imam al-Shafi'i qui s'appelle Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, un des grands imams parmi les imams de l'islam, hein, un des quatre à qui on attribue un madhhab parmi les quatre madhahib de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal également, qui est l'imam de Ahl al-Sunnah, imam ou Ahl al-Sunnah. Il dit donc, alors aime-les ceux-là et tu seras heureux. C'est-à-dire le fait d'aimer les salaf al-salih et d'aimer les imams de l'islam, ça, ça fait partie des signes de la foi. وَلَمْ يَذْكُرَ الْمُصَنِّفُ أَبَا حَنِيفَ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَ قِيلَ إِنَّهُ مِنَ التَّابِعِينَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكَ الصَّحَابَةَ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ التَّابِعِينَ فَهُوَ مِنَ الْقَرْنِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وهو أول أئمة الأربعة المتبوعين في الزمان. Donc le cheikh il mentionne, il dit que dans ces vers il n'y a pas la mention de Abu Hanifa, parce que on a dit que certains disent que Abu Hanifa fait partie des tabi'in, donc il est mentionné dans l'éloge des tabi'in en général. Toutefois, yani, parce que certains disent qu'il a rencontré certains d'entre les sahaba, mais la position qui est correcte à ce sujet, c'est qu'il n'a pas rencontré des sahaba, il a uniquement rencontré les tabi'in. Donc il fait partie de ce qu'on appelle atba'u tabi'in, c'est-à-dire tabi'u tabi'in, les élèves des tabi'in. Hein? Et il a été donc dans le troisième siècle parmi les meilleures générations. Parmi les meilleures générations. Et c'est le premier d'entre les quatre imams qui sont suivis à qui on attribue un madhhab. Donc ça, c'est ce qui est à dire par rapport à la question des vers qui ont été ajoutés dans la qasida de l'imam Ibn Abi Daoud. Et maintenant donc, à la suite de ça, donc à partir du vers 28 jusqu'à la fin, ça c'est la suite de la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud telle qu'elle est rapportée par ses élèves. Donc on a terminé d'expliquer l'ajout et on rentre maintenant dans le sujet qui est al-iman bil qadar, la foi en la prédestination. Donc on va juste commencer, puis on continuera inshallah la suite après la prière de Asr inshallah. Donc l'imam Ibn Abi Daoud il dit wa bil qadri al-maqdur ayqin fa innahu di'amatu 'iqd ad-din wad-din afyahu. Hein? Sois certain, hein? Et crois avec certitude et avec conviction en la prédestination qui a été prédestinée, parce que c'est un des piliers de la aqidah de cette religion. Et la religion, elle est vaste. Donc le cheikh, il explique. Il dit al-Sharh, al-Iman bil Qadar, huwa al-Ruknu al-Sadis min arkan al-Iman. Ata Jibril alayhi salam النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقديره وتقديره الأشياء قبل كونها وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده فهو أمر عظيم. Donc le cheikh il explique et il dit la foi en al-qadar c'est le sixième pilier d'entre les piliers de la foi. Jibril est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit informe-moi au sujet de l'iman, au sujet de la foi. Alors il a dit la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et que tu crois en la prédestination, ce qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala de bien ou de mal. Et donc il a mentionné la foi en Al-Qadar comme étant le sixième pilier parmi les piliers de la foi. Et il dit وَالْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ la foi en Al-Qadha وَالْقَدَرِ c'est de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها. C'est-à-dire tu crois en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il a prédéterminé les choses avant qu'elles soient et avant qu'elles existent. وبأفعال الله وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده فهو أمر عظيم. Et que tu crois également en les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa volonté, en son vouloir et en sa création et en le fait qu'il a créé les choses et qu'il les a fait exister. Donc c'est quelque chose de très grand. C'est la question du qadar, c'est une des questions les plus importantes et c'est directement relié au tawhid. C'est directement relié au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne croit pas en al-qadar ou qui a une déficience dans sa foi en Al-Qadar, il a automatiquement une déficience dans sa compréhension du Tawhid et dans les bases de sa aqidah et de sa croyance. Le Cheikh il dit, وَفِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 qu'il a créé toutes choses et il lui a donné sa mesure et il l'a prédéterminée. وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي وقع فيه كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات. Donc le Cheikh il mentionne le verset 49 dans sourate Al-Qamar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et toute chose hein, et certes nous avons créer toute chose en une juste mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mesuré et prédéterminé et prédestiné que les choses allaient se produire et il a voulu la création et l'existence de ces choses. Il a également prédéterminé la manière et la description dans lesquelles ils allaient se produire et également dans quel temps et dans quel moment elles allaient arriver et elles allaient se produire. Donc, toute chose a été prédestinée sur tous les plans et sur tous les points de vue. Premièrement, min jihati al-ilm bihi. Deuxièmement, min jihati kitabatihi fi al-lawh al-mahfouz. Troisièmement, min jihati mashi'ati Allah lahu fi waqtihi. Wa quatrièmement, min jihati khalqihi wa ijadihi. C'est-à-dire, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédéterminé sur tous les plans, sur le plan de la science, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance parfaite et absolue et éternelle de toutes choses. Deuxièmement, sur le plan que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, qu'est-ce qui allait se produire dans l'avenir, dans la table préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Donc tout a été écrit. Ensuite, troisièmement, sur le plan de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où la chose doit se produire, ça veut dire que c'est arrivé selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, min jihati khalqihi wa ijadihi, dans le sens que tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et tout ce qu'on fait, toutes nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc le Cheikh dit fa kullu shay'in lahu sifatun ja'alaha Allah lahu wa la yazidu anha wa la yanqus fa hadha shay'un muqaddar kama qala ta'ala fi al-matar wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum al-matar ma'lum al-kamiyyah wa ma'lum makan an-nuzul wa waqt an-nuzul fa huwa ma'lum lillah ta'ala min jami' jihatihi. Donc le cheikh explique, il dit que toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné sa description et sa caractéristique. Toute chose qui se produit, ça se produit selon la description que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner. Il n'y a rien qui est rajouté et il n'y a rien qui est enlevé à ça. C'est quelque chose qui a été prédéterminé. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet de la pluie, dans surat al-Hijr, dans le verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de la pluie, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Nous la faisons descendre, cette pluie, que dans une mesure connue. Donc, la pluie qui tombe, la quantité de pluie qui tombe, elle est déjà connue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'endroit dans lequel cette pluie-là va tomber, c'est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment dans lequel cette pluie va tomber est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur tous les points de vue, la chose a été prédéterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَلِمَهُ وَخَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ لَمْ يُوجَدْ بِدُونِ خَلْقٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ سَابِقِ تَقْدِيرٍ ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومن غير أن يشاءه الله ويريده فأمور الكون ليست فوضى وإنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها التي هي عليها فهذا أمر مهم جدا. Donc le cheikh explique, il dit que il n'y a rien excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'a su et l'a créé et l'a prédestiné. Il n'y a rien qui existe excepté que ce soit quelque chose que Allah a créé. Il n'y a rien qui existe excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà prédestiné, prédéterminé. Et il n'y a rien qui existe excepté que c'était écrit dans les tables préservées. Et il n'y a rien qui existe excepté que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc, les choses ne viennent pas comme ça en désordre. C'est quelque chose qui a déjà été établi et organisé et prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait exister. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que cette chose-là existe de la manière dont elle existe et de la manière dont elle s'est produite. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après le cheikh il dit والإيمان بالقضاء والقدر ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم فيتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. Donc, le cheikh dit que la foi en al-qada wa al-qadar, beaucoup de gens se sont déviés et se sont égarés dans leur compréhension à ce sujet, et beaucoup de pieds ont glissé dans cette question, parmi ceux qui n'ont pas regardé dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont uniquement basés sur leur raison, sur leur intelligence, sur leur compréhension et sur leur pensée. Et donc, ils ont fait un désastre dans leur compréhension de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait des graves erreurs à ce sujet-là. Parce qu'ils n'ont pas, pris comme référence le Coran et la Sunna. Ils ont pris comme référence leur philosophie ou leur logique ou leur intelligence ou leur compréhension à eux, et ils ont laissé de côté le Coran et la Sunna pour essayer de comprendre la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et ils ont cru en la prédestination telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à ses serviteurs selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Comme cela est leur habitude dans toutes les questions de l'aqida. Pourquoi les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a et les Salaf al-Salih ont été bien guidés dans les questions de l'aqida? C'est parce qu'ils se sont référés aux textes et aux références de la révélation. Ils n'ont pas essayé de comprendre les choses par eux-mêmes ou par leur propre tête. Ils sont revenus à la révélation. Tandis que les groupes d'égarement, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, et les autres groupes d'égarement, les Jabriya et les Qadariya, ils ont dévié dans la question de Al-Qadha ou Al-Qadar. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant, Inch'Allah, et on va continuer l'explication de Al-Qadha ou Al-Qadar dans la suite, Inch'Allah, le cours après Salat al-Asr, bi-Iznillah. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيكم بركه اخي